Today I'd like to speak about another pair of ways in which the Noble Ones escape from samsaric suffering and its corresponding obstacle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre moyen qu'utilisent les êtres nobles pour s'extraire du samsara. Je vais également vous parler de son contraire, l'obstacle qui les en empêche. Il y a donc différents moyens qui vont permettre aux êtres nobles de s'extraire du cycle du samsara, de la souffrance du samsara, et il y a également des empêchements qui vont leur freiner la route. Avikepa, c'est le moyen de s'extraire de la souffrance du samsara dont nous allons parler aujourd'hui, et il s'agit d'un état d'esprit qui n'est pas distrait. Autrement dit, il est concentré. Donc, le mot pali avikepa veut tout simplement dire non distrait, concentré, stable et recueilli. Et udaccha, l'empêchement qui lui correspond, veut dire distrait, agité. Donc la signification de udaccha, c'est le fait d'être distrait, d'être agité. L'esprit est séparé de l'objet, il est éparpillé, hors de contrôle. Le fait de ne pas être distrait, d'avoir l'esprit stable, ramassé, fixé sur un seul objet, c'est l'instrument donc utilisent les êtres nobles pour s'extraire du samsara. En pali, on parle de niyana. L'esprit distrait, non concentré, va lui bloquer le chemin qui mène à la libération des souffrances du samsara. C'est pourquoi on parle d'un empêchement. En pali, on dit avarana. Lorsque l'empêchement est là, c'est tout simplement dû au fait que la personne n'a pas compris, ne sait pas comment rendre son esprit stabilisé, non distrait. Donc avikepa, c'est le mot pali qui en réalité veut simplement dire samadhi, la concentration. C'est la qualité d'un esprit qui est concentré sur un seul objet. On parle donc de samadhi, la concentration. Mais dans ce contexte, avikepa, c'est un synonyme de samadhi. On décrit avikepa ou samadhi dans les textes comme un état d'esprit qui n'est pas distrait. C'est un état d'esprit qui donc est concentré, mais il ne s'agit pas d'une concentration ordinaire, c'est une concentration extraordinaire. La fonction de avikepa, qui est donc synonyme de concentration, c'est d'unifier les facteurs concomitants. C'est un petit peu l'analogie qu'on trouve dans les Écritures, c'est celle de la farine à laquelle on va ajouter de l'eau, et cette eau va unifier les grains de farine. L'esprit, apparaît toujours avec des facteurs mentaux, des concomitants. Ces concomitants vont donner à l'esprit son parfum. Par exemple, un concomitant, c'est sati, l'attention, viriya, l'énergie, le fait de viser l'objet, la concentration. Parfois, ces concomitants seront positifs, parfois ils seront négatifs. Quoi qu'il en soit, ils vont colorer l'esprit. L'esprit, c'est le contenant. Donc, samadhi, la concentration, va unifier ces facteurs concomitants, de façon à ce qu'ils ne s'éparpillent pas, ils seront unifiés, rassemblés. L'esprit se manifeste donc avec des concomitants et l'ensemble, esprit et facteurs mentaux ou concomitants, vont devenir calmes et vont se stabiliser sur l'objet. Au lieu d'utiliser le mot calme, on pourrait dire apaisé. Si donc tous ces facteurs sont présents, les facteurs qui sont repris dans la liste des caractéristiques, la liste des fonctions, la liste des manifestations, si tous ces facteurs, ces qualités sont présentes au moment où il observe, on peut dire que l'esprit est unifié, qu'il est concentré. On parle également de ekagata, la fixité de l'esprit sur un seul objet. Il y a deux sortes de samadhi. Le premier, c'est Pabanga. Pabanda, P-A-B-A-N-D-H-A. Pabanga. Banda. Samadhi. Et le deuxième, c'est Kanika Samadhi. Je ne connais pas la traduction de Pabanga Samadhi, mais Kanika Samadhi veut dire concentration momentanée. Pour ce qui est du premier type de concentration, Pabanga Samadhi, le méditant n'observera qu'un seul objet et il va l'observer de façon continue, sans interruption. Par exemple, il peut choisir comme objet d'attention le kasina de la terre, c'est-à-dire un monticule de terre. Cette pratique appartient à Samatha. Le méditant va donc se concentrer sur ce monticule de terre qui se trouve devant lui et il va répéter sans interruption Patavi, Patavi, Patavi ou terre, terre, terre. Il visualise donc ce monticule de terre et il ne change pas d'objet, il reste toujours sur le même objet. Le méditant qui donc pratique ainsi le kasina de la terre va petit à petit entrer en absorption. Il reste toujours sur ce même objet. Mais dans le contexte de Vipassana, il faut pratiquer autrement. Et ici, on devra parler de Kanika Samadhi, la concentration momentanée. Dans la concentration momentanée, Kanika Samadhi, on n'observe pas un concept, on observe la réalité, ce qui existe vraiment, les phénomènes physiques et mentaux qui existent vraiment dans l'instant présent. On parle alors de Kanika Samadhi, la concentration momentanée. Donc le yogi doit se souvenir que se concentrer sur les phénomènes physiques et mentaux dans l'instant présent, c'est Avikepa Samadhi. Voyons ce que veut dire donc cette concentration momentanée du pratiquant Vipassana. Il va donc observer ce qui se manifeste en lui, à commencer par les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Lorsqu'il sent son abdomen qui se gonfle ou qui se soulève, il va observer ce mouvement sans interruption, du début à la fin. Il l'observe de façon pénétrante. Lorsque le mouvement de soulèvement s'est terminé, le mouvement d'abaissement va se manifester et il l'observe de la même façon, du début à la fin, de façon pénétrante. Son esprit va ainsi rester concentré pendant tout ce temps. Il n'y aura aucune distraction. Ceci, c'est précisément la signification de Avikepa. Le méditant Vipassana va également observer les phases du pas au moment de la marche. Son esprit est également très concentré et de façon ininterrompue, il observe de façon pénétrante les mouvements d'élévation du pied, d'avancement du pied, de placement du pied. Son esprit est unifié, il n'est pas distrait, il détient Avikepa. Mais le méditant qui pratique ainsi, dans le but de calmer son esprit et de le concentrer, ne va pas uniquement détenir la qualité de samadhi de concentration. Pour que la concentration se manifeste, il y a une cause fondamentale et une cause qui va soutenir sa concentration. Pour ce qui est de la cause fondamentale, c'est tout simplement les quatre satipatthana, les quatre fondements de l'attention. Il y a tout d'abord kaya, le corps physique. C'est l'observation ininterrompue et pénétrante de tout ce qui se manifeste dans le corps. Le deuxième satipatthana, le deuxième établissement de l'attention, c'est vedana satipatthana, l'observation attentive, ininterrompue et pénétrante des ressentis. Il y a trois sortes de ressentis, les ressentis agréables, les ressentis désagréables et les ressentis neutres. Le troisième satipatthana, c'est cittanupassana, la concentration de l'esprit. Ceci veut dire que le méditant va noter tout ce qui se manifeste dans son esprit, les pensées, les émotions, les réflexions. Et donc, la quatrième base ou fondement pour l'attention, c'est Dhammanupassana, Satipatthana, c'est l'observation attentive, ininterrompue et pénétrante des activités quotidiennes, des activités générales, tout ce qui pénètre en soi par l'une ou l'autre des portes sensorielles. Donc, ce sont là les quatre satipatthana, les quatre bases ou fondements de l'attention. Elles sont la cause fondamentale pour la concentration et on peut alors parler de avikepa. Et si le méditant ne réussit pas à observer ces quatre établissements, ces quatre fondements de l'attention et à les observer de façon régulière et ininterrompue, il ne sera pas possible pour lui d'atteindre la concentration et d'observer les différents objets dans l'instant présent. L'observation d'un méditant doit s'accompagner d'une annotation et ou alors d'une simple prise de conscience. Mais cette prise de conscience ou cette annotation doivent être pénétrantes. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce sont des facteurs extraordinaires. Il faut que le méditant réussisse à pénétrer l'objet. L'esprit est si près de l'objet que le méditant a l'impression qu'il l'a pénétré. Si le méditant a ces qualités d'observation au moment où l'objet se présente, s'il pénètre l'objet, comme s'il entrait dedans, coulait dans l'objet, qu'il se retrouve face à l'objet, son esprit ne glissera pas à la surface de l'objet. Mais s'il n'a pas cette qualité d'observation, cette qualité d'attention, son esprit va glisser à la surface de l'objet et on ne pourra plus parler alors de concentration. L'esprit se fond dans l'objet. On compare un tel esprit qui pénètre l'objet à une pierre qu'on jetterait sur un plan d'eau. Cette pierre va immédiatement s'enfoncer et arriver au fond. C'est de cette façon que le méditant doit observer. Il doit observer de façon pénétrante. Et ce n'est qu'à ce moment-là que son observation peut devenir la cause fondamentale pour la concentration. Mais si son esprit flotte à la surface de l'objet, comme un bouchon qu'on jetterait sur ce même plan d'eau et qui flotterait à la surface de l'eau, on ne peut pas parler à ce moment-là de cause fondamentale pour la concentration. Donc l'attention du méditant ne devrait pas être superficielle, le méditant ne devrait pas se contenter de répéter machinalement soulèvement, abaissement. Il doit faire preuve d'une attention beaucoup plus pénétrante, beaucoup plus forte, qui va comparable à cette pierre qu'on aurait jetée sur le plan d'eau et qui s'enfonce dans l'eau. Donc il y a le mot satipatthana. Il comprend deux parties, sati et patthana. Si le méditant est capable de fournir la qualité d'attention dont il vient d'être question, il détient satipatthana. Il observe de façon pénétrante, pénètre l'objet, son esprit s'établit sur l'objet. C'est la signification de patthana. Donc il y a ce mot qui est divisé en deux parties. Patthana, c'est établir de façon pénétrante l'esprit sur l'objet. Et sati veut dire observer. Donc satipatthana veut dire observer de façon pénétrante. Et pour que l'esprit s'établisse de façon pénétrante sur l'objet, il faut que l'observation soit ininterrompue. Donc l'esprit doit pénétrer l'objet. Pour pénétrer l'objet, il faudra le faire de trois. On peut le faire de trois façons, soit lentement, soit à une allure moyenne ou alors rapidement. Dans le cas qui nous occupe, il faudra que l'esprit s'établisse fermement sur l'objet de façon rapide. Il y a le mot patana qui a deux parties, pa et tana. Pa est une des significations de pas, c'est courir. Donc, lorsque le méditant observe les différents objets qui se manifestent à chaque instant, il devra le faire rapidement. Il devra se précipiter sur l'objet. Il devra l'observer au moment précis où il apparaît. Et il devra le faire sans se poser aucune question, sans réfléchir, comme par exemple se demander si c'est bien l'objet qu'il doit observer, où il pourrait se poser toutes sortes de questions. Il ne doit pas faire cela. Dès que l'objet se présente, il doit se précipiter dessus. S'il ne le fait pas, son rythme va être brisé et sa concentration ne sera plus ininterrompue. L'esprit doit donc se précipiter sur l'objet. L'esprit devrait également capter l'entièreté de l'objet, le voir dans sa totalité. Donc l'esprit doit se précipiter sur l'objet et le recouvrir entièrement, le capter dans son entièreté. Pour ce qui est des mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, lorsque le soulèvement se manifeste, l'esprit doit se précipiter sur ce mouvement dès son point de départ et maintenir l'attention jusqu'à ce qu'il ait disparu. Pour l'abaissement également, l'esprit doit saisir l'objet dès son point de départ et se maintenir très vigilant sur cet objet jusqu'à ce qu'il ait disparu. Et c'est la même chose pour tous les objets qui vont apparaître. Donc, si sati, l'attention du méditant est capable de remarquer l'objet, de s'en rapprocher, de le pénétrer, de s'établir sur l'objet et de s'y maintenir sans interruption, de se précipiter sur cet objet dès qu'il apparaît et de le voir dans son entièreté, de le recouvrir entièrement, on peut alors parler de satipatthana. C'est une qualité d'attention exceptionnelle. Et donc, seule cette qualité d'attention, appelée donc satipatthana, mérite le titre de fondement pour la concentration, pour l'esprit. Et si cette qualité d'attention est fournie à chaque instant, sans interruption, on parle alors de kanika samadhi, la concentration momentanée. Et la cause pour le maintien de la concentration, donc qui vient pendant le processus d'observation, c'est viriya, l'énergie. L'énergie, l'effort, va permettre au méditant de maintenir son esprit sur l'objet. Donc, cette énergie va permettre au méditant de propulser son esprit vers l'objet et de l'y maintenir. Et il va faire cela sans interruption. Lorsqu'il fournit ce type d'effort, il doit le faire sans aucun égard, ni pour sa vie, ni pour ses membres. Il devrait se comporter comme le Bouddha lui-même l'a fait au moment où il pratiquait et fournir donc le quadruple effort suprême. Il doit se dire que il restera concentré sur l'objet, quitte à n'avoir plus que des tendons. Il restera concentré sur l'objet, quitte à ce qu'il n'y ait plus que des os. Il restera concentré sur l'objet, même si il ne devait plus y avoir que la peau. Il restera concentré sur l'objet, dût son sang et sa chair se dessécher complètement. Il doit se dire, je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas réalisé le Dhamma par moi-même. Même si je devais mourir, tant pis. L'effort que le méditant va devoir fournir au moment où il pratique, c'est donc l'effort suprême. Et il est de quatre sortes. Le méditant devra se déterminer à faire l'effort d'observer dans le but de faire disparaître les négativités qui seraient déjà dans son esprit. Deuxièmement, il devra pratiquer dans l'intention de prévenir les négativités qui n'ont pas encore surgi dans son esprit. Troisièmement, il devra pratiquer pour introduire dans son esprit des qualités positives qui n'y sont pas encore. Et il devra finalement pratiquer pour développer les qualités positives qui sont déjà présentes en lui. Cet effort est donc quadruple et on l'appelle l'effort suprême. Ce n'est que ce type d'effort-là qui peut être la cause pour Kanika Samadhi, la concentration momentanée. Et donc nous avons parlé de trois facteurs. Nous avons parlé de Kanika Samadhi, la concentration momentanée. Nous avons parlé de la cause fondamentale pour Kanika Samadhi, c'est-à-dire les quatre établissements de l'attention. Et nous avons parlé de la cause pour le support de cet effort, et c'est précisément l'effort. Il y a une analogie qui montre comment ces trois choses fonctionnent ensemble. Imaginons qu'il y ait là quelqu'un qui voudrait attraper un objet qui se trouve hors de portée, il est trop haut. Une deuxième personne arrive et il monte sur le dos de cette deuxième personne pour pouvoir atteindre l'objet. Mais cette personne qui se trouve perchée sur le dos de la première se sent mal à l'aise, elle n'est pas stable. Une troisième personne arrive alors pour aider à stabiliser ces deux personnes. Et donc la première personne qui était dans l'incapacité d'atteindre l'objet parce qu'il était trop haut, peut y arriver grâce à l'aide de ces deux autres personnes. Et donc, de la même façon, lorsque l'esprit concentré atteint l'objet, c'est la cause fondamentale, c'est sati, il est attentif. Viennent ensuite les facteurs qui vont accompagner cet esprit attentif et l'aider dans son effort, c'est viriya, l'effort. And which one? Viriya and which one? Sati, Sati? Virya. That's all. Sati and Viriya. A third one? Samadhi is the, what Oh, is Samadhi. Samadhi? Ok. Donc il y avait au départ Samadhi, l'esprit est concentré, il atteint la cible, c'est la cause. Puis vient Sati, l'attention, parce que l'esprit est sur l'objet. Il y a Sati, c'est la cause fondamentale. Et enfin, Viriya, l'effort qui va aider à tout ce processus. Lorsque, par exemple, l'esprit est concentré sur le corps, il est concentré, mais Sati et Viriya, l'attention et l'effort, sont également présentes. Donc, l'esprit est concentré sur l'objet, il l'observe, et donc il n'y a pas que la concentration, ces deux autres facteurs sont également présents, Viriya et Sati. Un yogi qui pratique ainsi, en développant ces trois facteurs, concentration, samadhi, viriya et sati, s'entraîne donc à la concentration. En pali, on parle de samadhi bhavana, l'entraînement à la concentration. Et c'est la signification de avikepa. Le yogi va donc s'entraîner ainsi et petit à petit, sa concentration va se développer. Et son esprit va finalement adhérer à tous les objets qui se manifestent. Et pour développer une forte concentration, celle dont il vient d'être question, il y a trois comparaisons. L'esprit du méditant doit devenir comme une pierre très lourde qu'on jetterait sur un plan d'eau et qui s'y enfonce, ou bien comme un couteau qu'on enverrait vers le sol et qui va s'enfoncer dans le sol, ou alors comme quelque chose de très collant qu'on lancerait sur un mur et qui adhérerait à ce mur. Et malgré qu'il y ait donc toutes sortes d'objets physiques et mentaux qui vont se manifester à chaque instant, l'esprit du méditant qui s'est entraîné ainsi va chaque fois s'établir sur l'objet, quel qu'il soit. On parle alors de la concentration momentanée. La concentration momentanée du méditant va ainsi se renforcer de plus en plus et elle va faire apparaître les connaissances vipassana. Lorsque ces connaissances vipassana auront été réalisées l'une après l'autre et que le méditant sera arrivé à la fin du chemin vipassana, il va pouvoir réaliser la conscience du chemin et la conscience du fruit. C'est donc de cette façon que les êtres nobles réussissent à établir leur concentration et à atteindre leur but. Et donc cette concentration momentanée, Kanika Samadhi, est quelque chose que le méditant doit réussir à introduire en lui et à faire apparaître chaque fois qu'il y a objet. Il faut également qu'il fasse apparaître les facteurs qui vont soutenir cette concentration momentanée et qui sont l'effort et l'attention. Donc, on a parlé maintenant pendant presque 1 heure de la concentration, de l'esprit concentré que le méditant doit essayer de développer, mais nous devrions également parler de l'esprit qui n'est pas concentré. Ceci va prendre 10 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, parlons maintenant de l'esprit distrait, éparpillé. Le méditant va, par exemple, noter attentivement un objet. Mais un autre objet apparaît, et cet autre objet va attirer l'esprit. L'esprit du méditant va quitter le premier objet et va aller au deuxième. Il ne colle pas au premier. L'esprit du méditant est donc allé au deuxième objet. Il a quitté le premier. Il n'est plus concentré, il n'est plus stable, il ne colle pas au premier objet. Il est au contraire séparé de ce premier objet. Son observation est devenue superficielle. Ceci, c'est la signification de Udaccha, l'agitation. L'esprit va aller d'un objet à l'autre, tout simplement parce qu'il ne colle pas aux objets. Et il va s'éparpiller de plus en plus. Un tel esprit est comparé à une pierre qu'on jetterait dans un tas de cendres. Ce tas de cendres va voler en poussière. Donc il y a tout d'abord Udaccha, et la signification de Udaccha, c'est la distraction. L'esprit est séparé de l'objet, et cette attitude se manifeste de temps à autre. En fait, il y a d'abord Udaccha, le fait que l'esprit est séparé de l'objet, et puis vient Vikepa, l'esprit est carrément éparpillé, il est hors de contrôle. Mais en fait, le mot Udaccha recouvre ces deux significations. Donc l'esprit n'est pas stable, il ne se maintient pas sur l'objet, on parle alors de Udaccha, il s'est envolé. Et si ce Udaccha, cette agitation devient très forte, l'esprit va partir de plus en plus loin. On fait une analogie avec un enfant qui viendrait de naître. Cet enfant est né, mais les parents ne lui accordent aucune attention. Ils font comme s'il n'existait pas. Ils ne le surveillent pas. Ils ne lui donnent aucun conseil. Cet enfant va grandir ainsi sans aucun contrôle, et plus tard, il se liera d'amitié avec des gens qui n'en valent pas la peine. Un esprit qui est éparpillé, qui est sans contrôle, va vaciller dès qu'un objet susceptible de faire apparaître le désir va se manifeste. Il aura immédiatement du désir pour cet objet, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Si l'objet est générateur de colère, son esprit va également vaciller et il va peut-être commettre toutes sortes de choses qu'il ne devrait pas faire parce que la colère est dans son esprit. Le yogi qui ne note pas les différents objets au moment où ils se manifestent et qui ne réalise donc pas la véritable nature de ces objets va tomber dans la confusion. Il ne saura pas quelle attitude à avoir, il ne comprend pas cet objet, et les impuretés mentales, les pollutions mentales vont pénétrer en lui. Ces impuretés mentales vont peut-être l'amener à commettre des erreurs. Et l'esprit est susceptible de devenir éparpillé si le méditant se pose toutes sortes de questions au moment où un objet se présente, au lieu de le noter. Par exemple, un objet se présente et au lieu de noter simplement l'objet, il se met à y réfléchir, il se pose des questions. Est-ce que j'ai déjà rencontré cet objet? Cet objet est-il clair ou au contraire, n'est-il pas clair? Une autre cause qui pourrait amener son esprit à s'éparpiller, c'est de se demander s'il est capable de noter cet objet. Et si le yogi pense ainsi à toutes sortes de choses au moment où les objets se manifestent en lui, son esprit va s'éparpiller et la concentration ne pourra pas se construire. Celle qui était déjà là, il va la perdre. Le méditant qui se comporte ainsi et qui a réussi à développer un minimum de concentration va malgré tout tomber dans l'agitation et cette concentration, il va la perdre. Mais il faut savoir que la concentration est indispensable pour faire apparaître la sagesse, la compréhension. Et c'est ainsi que lorsque Samadhi est absente, la sagesse ne peut pas se manifester. C'est pour cette raison que Udaccha est appelé un empêchement qui va bloquer le chemin de libération que suivent les êtres nobles. Si l'agitation Udacha est déjà apparue dans l'esprit du méditant, il doit essayer de s'en débarrasser par l'attention. Il doit noter agitation, agitation, et il doit continuer à noter chaque fois qu'elle se manifeste. Il va ainsi développer sa concentration et il sera aidé par l'effort qu'il va fournir et par l'attention dont il sera capable. Donc, ces trois facteurs sont à développer, concentration, effort et attention. Un yogi qui travaille sérieusement va réussir à développer ainsi sa concentration. Certains méditants n'ont pas confiance et pensent que le fait de penser ne va pas nuire à leur pratique. Mais ceci doit être évité. Il faut bien comprendre que la concentration est très importante. Il faut lui donner la priorité. Si la concentration se développe, les connaissances vipassana vont pouvoir se manifester. C'est très important de développer une forte concentration. Puissiez-vous tous suivre ces instructions, développer votre concentration momentanée de façon à faire surgir les connaissances vipassana qui vont vous permettre d'atteindre le chemin et le fruit et de réaliser Nibbana. Sadhu. Sadhu, sadhu. Some people have a strong tendency to think and reflect about things, and if there's no faith or confidence that it is essential to note the object, it is essential to note thinking, rather than just let yourself think. We have to understand that this is essential. It's not possible to develop the practice if you give priority to thinking. You have to give priority to noting. And so that comes, samadhi comes about as described, and when it arises, knowledge can develop. So we have to take care to develop our concentration. And I hope that everyone will be able to follow the instructions, employ the practice, develop momentary concentration, and from there, all the stages of vipassana knowledge until you reach path and fruition and realization of nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.